Pour My Music, je te l'avais dit quoi, hein, que t'avais jamais entendu de rap français. Ok, hein. J'suis KMC relayeur, puisque le monde nous donne des frayeurs. La raison du plus faible est-elle parfois la meilleure? Et d'ailleurs, à force de perdre, j'ai éprouvé ma vertu. Une emmerde perdue, disent de retrouver. Regrouper l'espoir de paix nous rassemble. Nos peines se ressemblent et nos pertes se ressentent. Nos plaies sont récentes. D'Afrique en Amérique, plus dure sera la descente, car l'opinion publique est amnésique. Ma musique a compris tes dirigeants, mais que c'est souvent aux zombies qu'on apprend à braquer la diligence. J'ai pas 10 000 chances de devenir millionnaire. Visionnaire, pour y arriver, j'ai besoin d'un flingue ou d'un dictionnaire. Dingue, révolutionnaire en Air Max requin. En marge, mais tu retiens la marque du refrain. Les refrains vivent en otage ou en autarcie. Du chaud au froid, comme s'il passait de Guada à Bois d'Arcy. Je vois la cible, la gloire comme objectif. Impassible, du mal à croire à la victoire de mon effectif. J'ai pas l'air festif, j'ai pas l'air cool. Donne un salaire qu'on investisse pas, qu'on galère tous, t'as vu. Fini la garde à vue, c'est l'heure des big boss. Y'a même des gosses receleurs ou hustleurs à la Ricross. Flic, proc, et le mépris s'installe. Comment faire du fric, proc, comme mon équipe a les mains sales. Je m'installe, à vous de juger celle-ci. Faut gruger pour avoir un jet ou le budget de Chelsea. Y'a pas d'éclaircie, l'avenir est nuageux. Les jeunes sont plus rageux et même le gun est plus âgeux. Cousin, y'a plus de balles à blanc, on se tire entre nous. Plus de mal qu'auparavant, on se nique entre nous, putain. Hein, je te l'avais dit que t'avais jamais entendu de rap français. Où que j'aille, c'est la pression. C'est la bataille ou l'oppression. On laisse une mauvaise impression. Les miens sont-ils différents des vôtres, c'est la question. Où que j'aille, c'est la pression. C'est la bataille ou l'oppression. On laisse une mauvaise impression. Les miens sont différents des vôtres, c'est la question. Mon rap choque comme un attentat. Attitude punk, arrêtez les beats crunk. Putain, on n'est pas Atlanta. On entame une nouvelle épopée. Ça fait longtemps qu'on est deux dives. Les entailles dont on a écopé. On a un bise à développer. Esprit d'entreprise, dis toujours au P. Même si le mépris des gens te brise. Gentleman, trop de femmes ont fait de moi un homme. Dédicace aux sœurs, aux mères qui remettent nos vies en ordre. Loin des normes, tout reste à vérifier. Peut-être qu'en vérité, y'a que des tapettes chez les VIP. Toi tu te la pètes en équipe, équipé. Plus tard tu baisseras la tête quand y'aura des gifles à éviter. Si le rap était dirigé par mes lascars nègres, mes nègres feraient des pascals sans pascal nègre. Au lieu de jacter dans les ténèbres, essaie de taper pour que mon label devienne célèbre. Et reste intègre, intègre. C'est la bataille ou l'oppression. On laisse une mauvaise impression. Les miens sont-ils différents des vôtres, c'est la question. Où que j'aille, c'est la pression. C'est la bataille ou l'oppression. On laisse une mauvaise impression. Les miens sont-ils différents des vôtres, c'est la question. C'est pas parce qu'on est fils d'indigènes que l'histoire se termine mal. Si le talent était cancérigène, je serais en phase terminale. Rage interminable et animale. On ne suit pas le sombre passé de nos pères avec des perles lacrymales. Ils veulent que je m'acclimate ou que je parte. Et ils font de l'audimat avec des perquis dans nos apparts. Où j'en serai sans Rosa Parks ou tous à l'ouverture. On a voulu m'abattre avec mes valeurs et ma vertu. J'ai mal vécu leur politique, leur haine est prolifique. Et dans notre histoire ils se donnent un rôle positif. Mon disque est un dispositif à ta disposition. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Mike, SP, Sam's, c'est le grand. 3. Monsieur R. Kinshasa 9-9. Sergi 9-5. 9-5. Et moi c'est Youssoufa, Prince parolier, le lyriciste bantou. Je te l'avais dit, t'avais jamais entendu de rap français.